mandarine sur les carreaux de cette sacrée machine. C'est pas trop tôt, le jackpot, c'est ma maîtresse. Parlons du peu, j'en ai une autre, c'est le jeu. Je m'en remets à lui, c'est tout, c'est le dieu des machines. Un coup de bille sur la petite qui se montre bien gentille. Partie gratuite et puis la rousse s'allume. Je manquerais mon but, pouvais pas rater mon bonus. Il me met toujours sur un coup, lui le dieu des machines à sous. À chacun son truc à voyage, moi je viens ici. Mais cette sacrée machine les plie jamais chaque fois que je crois les prendre. J'ai pas de bons yeux, mais j'ai le moral du feu de Dieu. Je m'en remets à lui, c'est tout, lui c'est le dieu des machines. Un coup de bille, il va pleuvoir, c'est l'heure, il faut que je file. La patinoire, la paille à mon Amazon. Dieu quelle flipper, à faire frémir un enfant de cœur. Machine qui vaut le coup, merci Dieu des machines. Trois mandarines sur les carreaux de cette sacrée machine. C'est pas trop tôt, le jackpot, c'est ma maîtresse. Parlons du peu, j'en ai une autre, c'est le jeu. Je m'en remets à lui, c'est tout, c'est le dieu des machines. Trois mandarines